n'y a pas longtemps que le mot archetier existe. Mmh. Vous le savez. Comment on appelait autrefois les archers? Alors justement, les luthiers ne voulaient pas qu'on soit luthier. Mmh. Alors on était fabricant d'archers. Ah, oui. Et c'est moi qui ai obtenu qu'on trouve le mot archetier dans un dictionnaire. Bon, j'ai écrit deux fois à l'académie.